En passant à Boyeruca, ça se trouve entre Bucalemu et Iquico, nous discutons avec Pedro ou El Chino qui nous raconte ses déboires du tsunami. Comment la vague détruisit son restaurant, son bateau de pêche, emporta sa voiture hors du garage et la transporta à plusieurs centaines de mètres. Comment il perdit tout d'un jour à l'autre, y compris son matériel de travail. C'est comme si on prenait votre sac à dos et qu'il disparaissait dans la mer. Vous vous retrouvez sans rien d'autre que les vêtements que vous portez. Moi, je me suis sauvé et sur la colline en pyjama, quand j'ai vu la mer se retirer. Le lendemain, nous n'avions plus rien. La vague arriva à peine un quart d'heure après les secousses. Il nous raconte aussi, qu'une semaine auparavant, il avait hébergé un Français d'une quarantaine d'années qui voyageait à pied depuis Iquique jusqu'à la Patagonie. Un écrivain qui vivait du récit et des photos de ses voyages. À quel endroit pourrait-il être en ce moment? Quelle envie de le connaître? Peut-être le rencontrerons-nous sur notre chemin. Au dire de notre interlocuteur, il est grand et maigre, voyage avec un sac à dos que lui seul peut soulever et marche rapidement. Nous entendrons sûrement parler de lui un peu plus tard et plus au sud. En arrivant à Bucalemu, nous joignons finalement Santiago à l'océan Pacifique grâce à nos petits pieds. Notre chemin y rejoint la côte que nous suivrons pendant plusieurs semaines en profitant de ses fruits de mer et autres poissons, couchers de soleil, etc.